Imana. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 12 mai 2021. Les grands titres de cette édition. Le prix de la carte d'assurance maladie devrait passer de 3 000 à 25 000 francs burundais selon les prévisions du projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2021-2022. Et cela constitue une préoccupation exprimée hier par les députés au président de la Cour des comptes qui avouent n'y voir non plus clair. Et la pénurie du sucre est restée persistante à mairie de Bujumbura malgré les quantités distribuées par le bureau de liaison de la Sosumo à Bujumbura. Vous entendrez le ras-le-bol des consommateurs. Et les collines Kajaga et Kinya de la zone Rukaramu flottent sur les eaux du lac Tanganyika depuis quelques semaines déjà. Ce spectacle désolant a conduit beaucoup de ménages à quitter leurs habitations. Vous entendrez les doléances des habitants de ces quartiers. Et dans la chronique sur les messages de haine, ce sera à la fin de ce journal. L'abbé Adrien Nabona, chercheur en sciences du langage, nous montrera que l'institution des Washinganahe était bien indiquée pour la résolution pacifique des conflits. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans ce journal, les propriétaires des maisons démolies suite à leur construction anarchique dans la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura, ont des avis partagés sur cette activité. Certains apprécient ce travail, tandis que d'autres grognent. Ils demandent que cette question soit bien étudiée avant de continuer la démolition. C'est un reportage d'Omer Douayo. Ces travaux concernent essentiellement les maisons construites sans respecter les normes en dessous des câbles électriques de la régie des eaux sur la route Bujumbura-Rumonge de la zone urbaine de Kanyosha. Aucune aujourd'hui en dessous de ces lignes électriques. Cependant, c'est dont les maisons ont été démolies, parle d'un travail non consensuel. J'ai vu une troupe de police qui se munissait des marteaux voulant démolir ma maison. Ils m'ont commandé de le faire moi-même par ma propre volonté. Me disant que si je ne le fais pas ainsi, ils vont le faire et m'infliger une amende. Je n'ai pas bien apprécié cette mesure car j'avais respecté les limites de ma parcelle. Les pertes ne peuvent pas manquer, mais lorsque les mesures de l'administration sont respectées, ça nous intéresse. Des fois, les poteaux électriques de la régie des eaux sont penchés, à moitié tombés, d'où quelques maisons se situent dans la zone de la route. C'est une action salutaire. Précise d'autres citadins un peu à côté. Pour eux, la route est aérée. Nous avons nous-mêmes exécuté ces travaux de démolition. L'administration nous a montré les limites émanant les équipements électriques de la régie des eaux. C'est ce que nous avons fait. C'est un développement commun. La route était étroite. D'ailleurs, des accidents avaient lieu car l'espace des piétons était envahi par des motos, des bicyclettes et des voitures. Selon ces habitants de la zone urbaine de Kanyosha, le bornage des parcelles nécessite une considération particulière des instances habilitées afin de ne pas se retrouver dans des démolitions quasi quotidiennes. Et l'administration de la commune Mukaza apprécie positivement le pas franchi dans la campagne de démolition des maisons construites hors normes sur la route Bujumbura-Rumonge. Dévote Ndaïsenga fait savoir que cette activité se poursuivra à l'intérieur des quartiers. Elle interpelle ceux qui ont construit sur les caniveaux des eaux usées à démolir eux-mêmes avant que la force ne s'applique. On l'écoute au micro de Mère Douayo. Les travaux de démolition en commune de Muha, surtout route Rumonge, sont en bon état. Je dirais que c'est en 90%. Il y a des lamentations ici et là, disant que des poteaux ont été penchés sur les maisons de certains. Est-ce que ceux qui disent cela ont-ils raison? Non, ils n'ont pas raison parce qu'on a dit que les poteaux qui sont dans les clôtures, qu'il faut signaler ça à la régie des eaux pour que la régie des eaux vienne faire le contrôle. Bon, les lamentations n'ont peuvent pas manquer parce que les gens sont comme ça, oui. Est-ce que vous comptez exécuter les travaux de démolition à l'intérieur des quartiers? Oui, nous comptons aussi d'aller dans les quartiers parce que il y a aussi des constructions anarchiques où on a construit au niveau des caniveaux qui conduisent des eaux. Nous demandons à la population de le faire elle-même avant que la force ne soit pas là pour démolir. C'était l'administrateur de la commune de Muha et non la commune Mukaza, comme je venais de le dire. Et le projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2021-2022 prévoit des recettes issues de la majoration sur le prix de la carte d'assurance maladie. Et ce prix devrait passer de 3 000 à 25 000 francs burundais pour les personnes à faible revenu. Élisée Ndaye, président de la Cour des comptes, ayant présenté les commentaires sur ce projet de loi au Palais des congrès de Kigobe ce mardi, explique que le budget de ce secteur n'est pas déterminé. Il adresse aux députés la demande de clarification au ministre concerné. Jean de Dieu Irakotse. Dans le projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2021-2022, certaines recettes proviendront sur la vente de la carte d'assurance maladie, CAM, laquelle carte subira la majoration du prix passant de 3 000 à 25 000 francs burundais, comme l'indique Sabine Nakarutimana, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette dernière trouvant pourtant qu'il est nécessaire de déterminer les catégories de personnes bénéficiaires du moment que les indigents les recevront gratuitement. Il est prévu la majoration du prix sur la vente de cette carte d'assurance médicale CAM, laquelle va passer de 3 000 à 25 000 pour les personnes à faible revenu et qui va passer à 100 000 francs pour celles à revenu un peu élevé. Moi, je pense que le ministre va donner des clarifications. Il restera au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida de passer à la catégorisation des personnes visées par cette vente. Le taux de ce budget qui proviendra de cette vente n'est pas déterminé dans le projet de loi de finances, comme le note Élisée Ndaye, président de la Cour des comptes, qui demande à son tour à l'Assemblée nationale de demander la clarification au ministère concerné. Dans ce projet de loi de finances, c'est bon de préciser que les recettes vont augmenter suite à cette nouvelle mesure. Cependant, si tu ne montres pas la valeur de ces recettes, il est difficile de dire s'il y aura réellement croissement des recettes. C'est-à-dire que nous n'avons pas vérifié que la dite croissance stipulée dans le projet de loi de finances est réaliste ou pas, parce qu'on n'a pas indiqué si cette recette générera 5 milliards ou 6. C'est pour cela que nous disons que l'impact n'est pas visible. Nous avons demandé au ministre de clarifier le dit impact. Les députés trouvent également qu'ils ont besoin d'explications sur la majoration du prix de la dite carte pour que cette situation ne puisse pas causer de problèmes liés à l'accès des soins de santé de la population. Jean de Dieu Irakotse, puisque on parle santé, sachez que le manque de cadre légal des infirmiers du Burundi pour le renforcement des capacités est un des défis que rencontrent les infirmiers, selon Carmen Terimbere, responsable des soins infirmiers à l'hôpital Kira. Elle s'est exprimée à l'occasion de la célébration ce 12 mai de la Journée mondiale des infirmiers. Elle appelle ses collègues à respecter la déontologie de leur métier. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Les activités nécessitant du courant électrique fourni par la régie des eaux sont au point mort dans les zones Minago et Magara en province Rumonge depuis ce dimanche matin. À l'origine, l'un des deux poteaux électriques métalliques à Portique, situé à Kagongo, a court-circuité suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, alors que les utilisateurs de la houille blanche demandent une intervention rapide pour la continuité de leurs activités. Le responsable de la régie des eaux centre Rumonge dit attendre une équipe d'appui à partir de Bujumbura. Jean-Pierre Misako. Un calme inhabituel se rapporte dans les centres de Minago en commune Rumonge et Magara en commune Bugarama, en passant par Rutumo en commune Rumonge. Aucun bruit de moulin, de poste à souder, de poste radio dans les salons de coiffure n'y est en effet audible. Partout où le courant électrique fourni par la régie des eaux est utilisé. Le désespoir, c'est également chez les utilisateurs de frigos pour la conservation du lait ou des médicaments. Il s'agit d'une situation consécutive à l'inclinaison extrême ce dimanche matin de l'un des poteaux électriques métalliques à Portique suite à la montée des eaux du lac Tanganyika sur la colline Kagongo. Depuis lors, le courant électrique ne dépasse pas Kizuka, selon la régie des eaux Arumonge. Les utilisateurs de courant demandent à la régie des eaux de résoudre ce problème dans l'urgence et ne pas concentrer les efforts uniquement sur ce poteau à l'origine de cette coupure du courant électrique sur cette ligne, mais voir comment sécuriser cette ligne partout où les poteaux électriques sont menacés de tomber par terre. Au niveau de la régie des eaux Centre Rumonge, l'on informe qu'une équipe d'appui est attendue de Bujumbura pour remédier à ce problème. Cela intervient sur cette ligne quelques jours après l'écroulement des poteaux électriques alimentant la commune Burambi en électricité, et cette ligne qui date de 1997 est à réhabiliter selon le responsable de la régie des eaux à Rumonge. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, je vous l'avais dit dans les titres, les habitants du quartier Kajaga 1 et 2 sont en détresse suite à la montée des eaux et du lac Tanganyika et de ses affluents, notamment la rivière appelée Kunzoka. Un terrain de jeu situé à Kajaga 1 est devenu un lac artificiel, l'école fondamentale Kinyinya 2 et plusieurs maisons ont été inondées. Cette population demande la construction d'une digue et aux banques de diminuer les taux d'intérêt pour ceux ayant contracté des crédits. Suivez ce micro-trottoir de Mireille Kanyang. Cette eau provient de ce bâtiment de Jéhova et de l'autre côté, ça provient de la Rusizi et se réunit ici, partout, l'eau a augmenté et ça nous arrive aux genoux. Nous n'avons pas encore quitté nos ménages, faute de moyens d'aller louer les maisons ailleurs. Nous cherchons là où dormir dans des parcelles qui n'ont pas encore été envahies par ces eaux. Il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui pourraient demander des crédits en banque. Mais nous ne voyons pas comment les rembourser. Un mois vient de passer, j'étais en train de chercher une maison pour quitter cet endroit. Des fois, je me disais que cette eau va diminuer et qu'elle ne va pas arriver chez nous. Après que je l'ai vue derrière ma maison, nous nous sommes dit que ça va être difficile pour déménager parce que le transville n'arrive pas jusqu'ici. Nous sommes obligés de traverser avec un bateau. Le peu d'objets que j'avais sur moi m'a coûté 10 000 pour arriver ici. Et imagine ce que je dois payer pour les déplacer jusqu'à ma nouvelle maison. J'ai dépensé plus de 60 000 francs pour avoir une maison, alors que je viens de perdre la vente de 3 mois, allant jusqu'à 450 000 francs bout. C'est une grande perte. Je ne vois pas comment quelqu'un peut espérer retourner vivre dans cet endroit, parce que cette eau arrive seule. Tu te lèves le matin et tu trouves ton parcelle remplie d'eau. Je ne vois pas ce que l'État peut faire. Seulement, les propriétaires des maisons peuvent plaider pour avoir de nouvelles parcelles pour que personne ne perd plus ses objets dans cet endroit. L'eau nous a envahis. Nous n'avons pas où aller, mais nous déménageons dans nos maisons parce qu'elles se démolissent et cette eau monte de plus en plus. C'était la désolation de ses habitants de Kajaga et Kinyinya est sur cette situation. Sadiki Ndaruzaniye, chef de zone Rukaramu en commune Mutimbuzi, parle d'un désastre. Il appelle les propriétaires des parcelles encore en construction d'accepter de loger les familles affectées et vulnérables. Suivez-les toujours au micro de Mireille Kanyang. La situation que vit aujourd'hui et la population de Kajaga est une situation désastreuse. Vu l'ampleur des eaux se trouvant dans toute l'étendue de la zone, ça laisse vraiment à désirer. C'est inimaginable parce que jusqu'à présent, les gens continuent à déménager dans leur maison. Et du jour au jour, l'eau continue à monter. Ce qui nous fait peur, nous aussi. Qu'est-ce que vous serez en train de faire? Vous contactez d'autres autorités. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que vos dirigeants vivent tranquillement, ceux qui restent du moins? La première chose est que nous avons plaidé auprès de la Croix-Rouge pour qu'ils puissent désinfecter ces eaux. Parce que vous savez qu'il y a des fosses optiques peut-être qui ont débordé. Et la Croix-Rouge aussi a ses façons de travailler avec la population sinistrée en les aidant. On les donne les cartes SIM et de là, ils pourront avoir quelques sous. Et en plus de ça, nous lançons un appel auprès du gouvernement pour que l'État puisse faire son mieux possible et de voir comment gérer ces ruisseaux de Kunzoka parce que c'est elle qui nous amène de l'eau avec la rivière Rusizi. Et pour la population de Kadjaga, nous leur demandons d'être patients parce que les effets catastrophiques sont dits souvent à l'environnement et surtout les gens qui ont des maisons en chantier, de laisser les gens qui n'ont pas pour héberger, qui laissent entrer dans ces maisons jusqu'à ce que je pense que leur logement sera sec. Et certains consommateurs de sucre en mairie de Bujumbura ne savent pas la destination de sucre distribué par la Socimo au moment où les autorités de cette société indiquent que cette denrée est officiellement donnée. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros interpellent ces autorités à faire le suivi régulier pour que la commercialisation du sucre ne soit pas entachée d'irrégularités. Le sucre est un casse-tête. Les gens le cherchent mais n'en trouvent pas. Nous venons de passer tout un mois sans l'avoir ici à Rohero. Les habitants ne comprennent pas les causes. Ceux qui ont des enfants disent qu'ils pleurent toute la nuit. Vous comprenez bien que c'est un vrai problème. Veuillez donc nous aider à trouver solution à ce problème. Il n'y a pas de sucre. Un mois vient de passer sans le trouver. Les gens passent souvent pour acheter et n'en trouvent pas. Chaque fois, nous leur disons qu'il n'y a pas de sucre. Nous ne savons pas quoi faire. Nous demandons aux autorités de tout faire pour que le sucre soit disponible comme avant et que la population l'achète comme auparavant. Le chargé de la communication, la Socimo, dit que la quantité de sucre servie n'a pas changé. Nzovandora Jean-Pierre dit que les administratifs sont au courant de cette distribution. Suivez-le. Hier, on a servi 140 tonnes. Il y a même une partie de nos clients qui est restée et qui doit être servie en premier lieu cette matinée même. Donc, je vais continuer avec son programmé aujourd'hui, donc après avoir servi ceux qui sont restés de la liste d'hier. Aujourd'hui, je ne peux pas préciser ce qu'on va servir parce que le total journalier est connu à la clôture des actifs de la journée. Mais je pense que ça ne va pas être en dessous de 150 tonnes. Nous servons toujours le sucre suivant le quartier. On a déjà expliqué les motifs, les mobiles. Ceux qui sont programmés aujourd'hui, ils se connaissent, ils sont là. L'administration, comme on s'est convenu, et comme je l'ai souligné toujours, l'administration est sur le terrain. Chaque fois, à la soirée, je rédige un rapport que je confectionne soigneusement en mettant tous les éléments qui peuvent guider les administratifs. Le nom, la quantité qu'il a pris, l'adresse complète, le quartier, la venue, le numéro de la parcelle. Et si c'est dans le marché, le numéro distinct. Hier, par exemple, ce que j'ai fait, tous les administrateurs, que ce soit Domoha, Domokaza ou Dotahangwa, ils ont ça sur leur WhatsApp. Même les chefs de zone, ils ont cela. Et quelquefois, ils m'ont retourné la réaction, me confirmant qu'ils ont reçu cela et qu'ils sont sur le terrain. C'était le chargé de la communication à la société sucrière du Mosso, Jean-Pierre Nzobandora. Pour rappel, sachez que la semaine dernière, plus de 2 tonnes de sucre qui étaient destinées à la zone Nyakabiga ont été interceptées à Charama, mais l'on ne sait toujours pas pour l'instant à qui appartenait cette quantité de sucre qui était visiblement détournée. Les autorités nous ont indiqué que cette quantité allait être vendue et l'argent versé au trésor public. Parle, rassure-moi. Se lancer des messages haineux ou provoquer des violences physiques entre deux clans était normal, voire obligatoire dans l'histoire du passé du Burundi. Abbé Adrien Nabona, qui a fait des recherches en sciences du langage, dit que malgré cela, il y avait des mécanismes utilisés pour gérer ces conflits, comme celui des Bashinganahe, qui faisaient rencontrer les ennemis en leur demandant de s'écouter mutuellement. Selon Adrien Nabona, ce mécanisme était le meilleur et pourrait actuellement contribuer à la résolution pacifique des conflits. Ornella Mojo. Deux groupes de gens de différents clans étaient des ennemis dans l'histoire du passé et c'était normal qu'ils se lançaient des messages haineux. Abbé Adrien Nabona, qui a fait des recherches en sciences du langage, signale que les conflits, nécessairement entre les clans et les questions ethniques, n'avaient pas place. Les groupes antagonistes se faisaient facilement la guerre. Et je dois ajouter que c'était des groupes souvent claniques, ou bien autour d'un chef ou d'un sous-chef. Et les clans autrefois comprenaient Hutu et Tutsi à la fois, portant même parfois le même nom. Et si bien que Hutu et Tutsi d'un côté se battaient contre Hutu et Tutsi de l'autre côté. Nous n'avions pas de guerre ethnique. Les gens considéraient la société comme guerrière à Benhaouna, ce n'est que malgré cela, c'était interdit de tirer sur un enfant, sur une femme ou une personne âgée. Il y avait aussi des moyens pour gérer ces conflits. Et quand les conflits avaient lieu, quand ils devenaient violents, on faisait la guerre. Et alors, pour sortir de la guerre, il y avait trois moyens de le faire. Ou bien le chef envoyait un délégué pour dire « s'il vous plaît, halte à la violence ». Ou bien quelqu'un qui avait le pouvoir religieux dans la société, donc un des chefs du gouvernement, lui aussi pouvait aller et prononcer des paroles religieuses à ce moment. Et les gens aussi arrêtaient la guerre. Ou bien les Bashinganda et les sages traditionnels aussi venaient et tendaient des deux côtés du conflit. Et ils pouvaient ainsi dire « halte là, vous êtes des frères, ne vous tuez pas ». Et alors, on faisait la paix. Le mécanisme des sages traditionnels dit à Bashinganda et dans la gestion des résolutions des conflits faisait que ces différents clans nouaient des relations. Et pour faire la paix, les deux clans ou groupes belligérants disaient leur litige et les Bashinganda tranchaient le conflit. Par après, on amenait des vivres, on pétrissait la pâte sur place même et on amenait des boissons, on tuait un taureau et on se lavait les mains pour dire nous stoppons. Parfois même, en s'essuyant les mains avec des feuilles d'une certaine plante pour dire, ou bien plus encore, on coupait l'oreille à un mouton. Et pour dire Dieu entendait. Et à partir de cela, les discours de paix revenaient. On disait, s'il vous plaît, ne vous massacrez plus. Vous êtes des frères, mariez-vous entre vous. Parce qu'auparavant, l'intermariage entre ennemis était même interdit. Selon toujours Nabona, le mécanisme des sages traditionnels qui facilitait la résolution des conflits peut également contribuer actuellement, car il s'agissait de faire rencontrer deux ennemis, d'écouter ces deux parties et chacun reconnaissait son propre tort. Il est 13h18 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est sur cette chronique que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique d'Eric Ouimana. Au micro, Jean Bosco Ouimana, passez un très bon après-midi.